Ils sont bien plus que des millions rappés pour les gonzes, les millions drapés devient leur mission. J'envoie à temps plein dans mon sillon. Rêve plus de platine que de bronze. Tel un grand seigneur muni de cap et des bronzes. La réalité te rattrape, t'es qu'un seigneur de carte électron. T'en fais trop, tu veux être pro. Derrière ce putain de micro, t'as mis trop de rimes pro. J'crois que tu vas péter ta mine gros. Tu te contamines de blême pro. Quitte à dire de la merde rien que pour finir le flow. Fournir un flop et deux pieds dans la flaque. J'suis pas flic, pas besoin de pister des masses pour rien piger de ton blaze. Flou de tes phases décadentes, c'est flippant. Dis-moi, ne serait-ce pas toi ce trappeur fou, ce rappeur irritant de. Dis pas militant, ton destin n'a rien pour toi à part des mini-plans. Tu vois tout en grand normal, je ne vois que des mini-cums former des mini-clans. De mini-clans qui n'arrêteront pas de brailler que le danger est imminent. C'est épuisant. Rappe-moi si tu peux, rappe-moi si tu veux. Rappe-moi quand tu veux, rappe-moi quand tu peux. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, rappe-moi si tu peux. Rappe-moi si tu peux, rappe-moi si tu veux. Rappe-moi quand tu veux, rappe-moi quand tu peux. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je remarque qu'il y en a trop plein pour se démarquer. Faut clasher, porter plainte, bande de déglingués. Vous fatiguez le petit peuple avec vos tripes de rappeurs blindés. J'suis pas électricien, mais parfois j'ai tendance à vous chanter. Passe à la trappe, j'ai le couvercle pour te la faire fermer, chien que tu es. Je vais te faire suer comme une vieille pile usée. Histoire de ne plus t'entendre hurler, trappeur cramé. Tu vas y laisser ta peau comme après un abus. Tu fais arrête de croire que t'as le groove, que t'as un espoir dans le move. Tu vas rester dans le noir, oui, dans le gouffre. Tu vas savoir ce que c'est de devenir ouf. Je deviens complètement étanche à votre mode look à MC Waterproof. Et que bullet touche. Si tu te sens visé, c'est qu'à la fin de l'envoi, finalement je te touche. Je mets pas tous les MC dans le même panier. Mais pour m'avoir, va falloir courir m'attraper. Rappe-moi si tu peux, rappe-moi si tu veux. Rappe-moi quand tu veux, rappe-moi quand tu peux. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, ouais.